Tu demandes ce qu'on a fait, vaut mieux ne pas savoir, vaut mieux ne pas savoir. Tu voudrais qu'on arrête, envoie les disques d'or, envoie les disques d'or. Allez là c'est la fête, prends dans le cerf, moi tout est simple, après grimpe dans la chop. Faut faire avec, faut faire avec, trop de paramètres pour nous revoir ensemble. J'suis dans le Merco, Merco, loin là-bas. J'suis dans le Merco, Merco, loin là-bas. Mais qu'on est détourné, tour dans la zone. Mais qu'on est détourné, tour dans la zone. Oh lolo, lolo, lolo, oh lolo, lolo, oh lolo, lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh. Azolay, je suis pas non pour un massage. En first class, pas du champagne, j'ai passé l'âge. Là, le prix a grandi, il veut la vie de luxe. 300 mètres carrés pour accrocher mon lustre. J'suis perdu en amour quand j'suis perdu dans mes chiffres. J'ai toujours arrêté de payer, mais j'ai pas de fiche. J'suis dans le Merco, Merco, loin là-bas. J'suis dans le Merco, Merco, loin là-bas. Elle veut braille tout mon bénéfice, mais c'est mort. Ça peut en couture, Christian Dior. T'es mal à tes gaines, t'es mal les artistes. J'suis dans le bendo ou dans toi. Oh lolo, oh lolo, ah laissez tomber. Oh lolo, oh lolo, j'arrive à me laisser tomber. Oh lolo, oh lolo, c'est qui, c'est qui. Oh lolo, oh lolo, j'arrive à me laisser tomber. Oh lolo, oh lolo, ah ah. Comme le type qui crie ara, celui qui veut jouer, ils nous connaissent pas. Fais dans 30 minutes, je fais en 30 secondes. Je fais de la moule à chaque seconde, j'ai des follow à chaque seconde. Ah ah, ils nous connaissent pas. Le gang n'est pas sympa. Y'a de la moule à n'est-ce pas. Y'a de la moule à qui veut.